petite maman, petite maman chérie, qu'est-ce qu'il te prend, petite maman chérie? On t'a payé des soins spéciaux, on t'a payé tout ton chiro, on t'a payé le psy, on t'a payé l'épicerie, mais qu'est-ce que tu fais dans ton lit avec le Père Noël à poil? Père Noël à poil, Père Noël à poil, Père Noël à poil. Petite maman, d'amour, quelle mouche t'a piqué, petite maman d'amour? On t'a payé une croisière, on t'a payé une verrière, on t'a acheté un chalet, on t'a apporté du lait. Mais qu'est-ce que tu fais dans le salon avec le Père Noël à poil? Le Père Noël à poil, le Père Noël à poil, le Père Noël à poil. Et en plus il n'est même pas beau, son ventre ressemble à un oreiller. Petite maman trésor, qu'est-ce qui t'arrive, petite maman trésor? On t'a payé un abonnement pour rencontrer des gens, on t'a payé un entraînement pour que tu retrouves ton bon sens. Mais qu'est-ce que tu fais dans la cuisine avec le Père Noël à poil? Père Noël à poil, Père Noël à poil, Père Noël à poil, Père Noël à poil, Père Noël à poil, Père Noël à poil.